fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Pagette Nancy 94.2. Xavier est installé à la technique et Daniel à votre compagnie pour vous présenter la cerise sur le gâteau numéro 47. Comme d'habitude, c'est un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Il faut aller les chercher. Un jury neutre, impitoyable et incorruptible classe les titres diffusés et établit ainsi le classement. Sans plus attendre, résultat de l'émission précédente, c'était la cerise sur le gâteau numéro 46, ben oui, il y a 15 jours. Médaille de bronze pour Vicky Leandros à l'Est d'Éden. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. C'est la philosophie de Georges Moustaki. Georges Moustaki, classé second, et il reçoit la médaille d'argent. C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant. Saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre. Et comme soyez fous et comme soyez ivres. Car leur seule folie, c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont. Des viveurs d'utopie aux étranges façons. Des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Et le grand gagnant de cette cerise sur le canto numéro 46, eh bien, c'est Christophe Maé avec Casting. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais, et vos lumières dans les yeux. Mais mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront que j'ai du talent, que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, emmenez-moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, deux secondes à peine. Je peux vous faire rire, vous faire de la peine. Mais vous savez, il en faut de l'audace. C'est tellement dur de se faire une place. Mesdames, messieurs, je sais que je suis bon. C'est ce qu'ils m'ont dit à la maison. Ils disent que je suis le plus beau. Que je suis un sacré numéro. Messieurs, dames, je suis malléable. Jeune, ambitieux, capable. Je peux être sale, je peux être propre. Je peux faire du jazz ou du hip-hop, moi. Mesdames, messieurs, je vous en supplie, j'en ai pas dormi de la nuit. Vous faites rêver, vous et vos émissions, je pensais la connaître, la chanson. Mesdames, messieurs, emmenez-moi, je ne veux pas rentrer chez moi. y'a rien à faire là-bas. Y'a rien à faire là-bas. Mesdames, messieurs, me laissez pas. Je ne veux pas rentrer chez moi. Y'a rien à faire là-bas. J'ai rien à faire là-bas. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je veux mener la vie d'artiste, moi, ne plus être seul, plus être triste. Mesdames, messieurs, tu veux que je te dise? On se reverra sûrement pas, non? J'irai chanter devant l'église, peut-être que le bon Dieu, lui, m'écoutera. Et moi, je rêve, accroché à la nuit. Et moi, je rêve. Décrocher la lune. Et moi je rêve de lumière qui s'allume. Et moi je rêve. Je rêve. À la sélection du jour. Tout d'abord, une chanson de téléphone sortie en single en 1985. Après des tournées épuisantes, l'échec d'un projet aux États-Unis ravivait les tensions au sein du groupe Téléphone. Et l'entourage avait bien essayé de noyer le poisson et de convaincre Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac de retourner en studio, mais rien ne sortit de ces séances houleuses. Rien. Rien. Sinon ce dernier single, et nous avons choisi de passer la version interprétée par le groupe Vox Angeli. Le jour s'est levé, Vox Angeli. Je t'en cache. Hier, j'ai allumé une bougie, nous a confié Zazie. Comme toutes ces infirmières, ces infirmiers, ambulanciers, docteurs, aides-soignants qui veillent sur nous, je regarde ma bougie, fragile au vent, qui continue à diffuser sa lumière comme les éboueurs. Malgré le pôle de protection, comme les agriculteurs, les chauffeurs de camions, les taxis, comme ces livreurs, je regarde la flamme, comme on garde l'espoir pour tout cela et tous ceux qu'on oublie. Hier, j'ai allumé cette bougie. Demain, je la rallumerai pour dire merci. Et dans les restant chez nous, après la pluie, Zazie. Combien de Blandine, de Thibault, de Fanny vont boire un café et puis sauter dans un jean, un métro, un taxi et sortir sans faire de bruit. Et sortir sans faire de bruit. Combien de Paul, de Pierre, de Mayanne et d'Adji vont aller faire aujourd'hui la même chose qu'hier. Ce qu'ils ont choisi, c'est d'aller sauver des vies. C'est d'aller sauver des vies. Ils disent on masque nos peurs, on rassure, on sourit. Dure parfois qu'on pleure aussi. On voit qu'on en meurt, on voit qu'on en guérit. Il ne faut pas qu'on oublie le beau temps après la pluie. Que peut-on faire de mieux à Mulhouse, à Paris, que de boire un café et puis tuer le temps comme on peut parler à un ami. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Alors c'est vrai ce qu'on dit. Sur nos fausses colères, sur nos vaines envies, sur le temps qu'on perd à tromper l'ennui. Comme on s'est trompé de guerre, comme elle est belle la vie. Combien sont morts aujourd'hui? Combien sont morts aujourd'hui? Pense à Blandine, à Thibault, à Fanny, comme ils sont beaux ceux qui bravent la nuit. Je pense à ce monde à faire, de ce monde meurtri. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie. Faire le beau temps après la pluie. Le beau temps après la pluie. Un foxtrot de 1933 Ah, le foxtrot, une danse très appréciée dans les années 30, sur une musique d'Alfredo De Vita et des paroles de Jean Tranchant, avec le rampampan, le petit rampampan, on peut facilement créer l'enchantement. Le secret pour séduire, c'est rampampan, rampampan, Joséphine Baker, Pils et Tabé. Un grand souci qui tourmente la terre. Que faut-il faire quand on veut plaire? Chacun se casse la tête et se désespère pour provoquer l'amour. Question du jour. Avec le rampampan, le petit rampampan, on peut facilement créer l'enchantement. Avec le rampampan, le petit rampampan, ce pauvre cupidon devient doux comme un mouton. Et tout autour, le monde, les grenouilles et les plantes savent qu'il faut ajouter beaucoup de rampampans à la tendre beauté. Le sacre pousse à lui les dents des rampampans. Joséphine, il faut nous expliquer ce remède à tous nos embarras. Est-il si délicat? Nos cas, tous les messieurs sont de bois possèdent le secret d'agrément si charmant. Le chanteur Christophe, né en 1945, était un interprète, auteur, compositeur français et il nous a quittés le 20 avril 2020. De son vrai nom, Daniel Bevilacqua, mais bon, il avait choisi Christophe comme nom de scène d'après une médaille que lui avait offert sa mère. Vous savez, le Saint Christophe, patron des voyageurs, le Saint Christophe qui protège. En octobre 1965, Christophe interpréta un succès diffusé sur toutes les radios, Les Marionnettes, une chanson inspirée de ses premiers émois amoureux et influencée par une maman couturière, Les Marionnettes Christophe. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvrette, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. La France a participé au concours Eurovision de la chanson en 1972. Ça se passait au Royaume-Uni, à Édimbourg. 18 pays étaient en compétition et la première place fut remportée par le Luxembourg et Vicky Leandros, qui interprétait « Après toi ». La France était représentée par Betty Mars avec la chanson « Comme et comédie », écrite et composée par Frédéric Botton. Une chanson modérément rythmée, les paroles y traitent de la joie des amants quand ils se disent qu'ils s'aiment, et malgré une voix digne des plus grands cabarets parisiens, haute, profonde, vibrante à la fois, simplement magnifique, Betty Mars et la France n'obtiendront qu'une modeste 11e place sur 18, comme et comédie Betty Mars. Regarde en quelquefois. avec leur joie de vivre, la bonne humeur et la gaieté, Arcadian se montre solidaire avec les gens de secours et avec tous les gens confinés. Bon, c'est une invitation à faire la fête à la maison, à apprendre à vivre avec ce satané virus et à aimer la vie, car avoir un bon moral, c'est quand même très important. Les revenus de la chanson seront versés à la Fondation des Hôpitaux de France. Dansez Arcadian. Encore un matin où je me lève, mais c'est la même journée. Et qu'elle commence ou qu'elle s'achève, je sais plus quelle heure il est. Je mange seul entre deux séries, j'ai plus qu'une seule chaîne de télé. Le matin c'est plutôt Netflix, le soir BFM TV. Allez, allez, allez, on va pas tomber dans la déprime. Allez, allez, tu sais, on ne va pas les laisser tomber. Allez, allez, allez, pour nos soignants et tous ceux qui triment. Allez, allez, tu sais, on va rester chez nous et danser. De l'hiver jusqu'à l'été, on va rester confinés. De l'hiver jusqu'à l'été, on reste ici pour danser. Danser. Pour les parents qui rêvent du jour où l'école sera plus fermée. Pour les enfants qui ont fait le tour de leurs 10 mètres carrés. Pour les médecins, on applaudit tous les soirs avant le dîner. Ce soir, il n'y aura pas de concert, mais on va tout donner. Allez, allez, allez, on va pas tomber dans la déprime. Allez, allez, tu sais, on ne va pas les laisser tomber. Allez, allez, allez, pour nos soignants et tous ceux qui triment. Allez, allez, tu sais, on va rester chez nous et danser. De l'hiver jusqu'à l'été, on va rester confinés. De l'hiver jusqu'à l'été, on reste ici pour danser. On fait ça pour garder le moral, on fait ça pour nos soignants. Alors où que ce soit, tu vas te lever, danser. De l'hiver jusqu'à l'été, on va rester confinés. De l'hiver jusqu'à l'été, on reste ici pour danser. Danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser. Et si nous parlions javanais ? Ah, oh, pas le javanais officiel de Java, non, non. Mais cet argot des bas-fonds du 19e siècle. Oh, le langage consistait à parasiter les mots par des syllabes en ja ou en ave. Et lorsqu'un auteur de génie comme Gainsbourg joue avec des ja ou des va, comme j'en ai bavé pas vous, mon amour, la chanson ne peut s'appeler que la javanaise. Cette chanson est née dans des bulles de champagne, une nuit passée chez Juliette Gréco à écouter de la musique et à la regarder danser seule au milieu du salon. Cette chanson, sortie en 1963, méritait bien une place sur la face B d'un 45 tours. Depuis, elle est devenue un immense succès international. La javanaise, Serge Gainsbourg. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. sans la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une chanson. Et là, ça frile en vain, me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. Une chanson pour remettre du baume au cœur de tous ceux qui sont confinés et aussi de soutenir les nombreuses fondations qui aident au mieux le corps médical. Nos cœurs à la fenêtre a été inspiré par l'initiative italienne de chanter à la fenêtre. Lara Fabian est aussi confinée à Montréal avec sa fille et son mari. Et le titre est chanté à la fois en français et en italien par cette chanteuse d'origine belge. Merci à nos soignants, nos héros du quotidien, nos cœurs à la fenêtre, Lara Fabian. Richiamo insieme. Une chanson de 1930, composée par Casimir Oberfeld, une ode aux dames de 125 kilos et plus, « Vive les grosses dames !» Et devinez chantée par qui ? Jean Gabin. Je vois tous mes amis, Gaston, Maurice ou Falempin, aimer des petites femmes aussi plates que des planches à pain. Je sais bien que c'est très à la mode et que dans le métro, c'est plus commode. Moi, je préfère celle aux appâts très volumineux. Quand on se cogne après, au moins, ben, on ne se fait pas de bleu. Dès que j'en vois une sur mon parcours, c'est plus fort que moi, je lui fais la cour. Oh, vive les grosses dames de 125 kilos, vive les grosses dames. Surtout devant les autos, pour se garer, c'est bien mieux, je le proclame. Lorsque sur vous arrive une 30 chevaux, on se cache derrière. Et lorsque vient le coup, faut pas s'en faire, on ne risque rien du tout. Des collisions, l'on se moque. Les gros apports, ça fait bloc. Vive les grosses dames, comme par choc. Les goguettes en trio, mais à quatre. Ah, c'est le titre du groupe. Est un quatuor vocal français créé en 2013. Spécialité dans les reprises parodiques et humoristiques des chansons de variété française, le groupe connaît actuellement un succès important sur les réseaux sociaux. Et ce groupe revendique sa veine satirique et a pour ambition d'être dans l'humour, d'être dans l'ironie, le second degré de la caricature. On n'a rien vu venir, les goguettes. Nous comme des couillons, on s'était bien moqué. Ces Chinois par millions qui avaient plus le droit de bouger. On n'a rien vu venir. Le virus peut se pointer, on s'en fiche royalement. Nous on sait résister, demander aux Allemands. Y a pas de quoi frémir, ni ne plus sortir. On va pas mourir. Et puis c'est pas une petite grippette qui va nous bloquer le pays. En France, on n'est pas des mauviettes et on vit en démocratie. Maintenant, c'est insensé, mais notre seule distraction, c'est en début de soirée, applaudir au balcon. On n'a rien vu venir. Franchement, qui l'eût cru qu'à cause d'un pangolin, y aurait plus de lustre cru au Leclerc de Melun. Ça fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on va devenir sans nous y faire cuire? On était rigoureux, y a pas d'argent magique. Désormais, non plus sur l'hôpital public. On n'a rien vu venir. Dire qu'on avait voté pour que maintenant en France, on soit débarrassé de l'État-providence, c'est quoi ce délire? Est-ce un repentir, un autre avenir? On a perdu tous nos repères à cause de cette épidémie. Macron défend les fonctionnaires et à Bercy, c'est une vraie gabegie. Ces noms de nom, le médecin le plus écouté aurait des cheveux longs et l'accent marseillais, on n'a rien vu venir. Qui s'était pas écrit dans les cartes du tarot, notre idole aujourd'hui serait Madame Bachelot. On t'adore Roselyne, t'es notre héroïne, notre chloroquine. Nous on était bien, mais maintenant c'est fini. On est loin d'être serein face à cette pandémie qu'on n'a pas vu venir. Et pourtant il y avait un signe prémonitoire. Le PSG s'était qualifié pour les quarts. À y réfléchir, ça voulait peut-être dire le pire est à venir. Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine ont écrit cette chanson pour rendre hommage à tous les soignants. Alors bon, Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine, ce sont effectivement trois grands coachs qu'on a eu l'occasion de voir dans l'émission The Voice. Pas tous les mêmes années, mais enfin, bon, on les retrouve. Et dans le respect des règles du confinement, l'enregistrement a été réalisé à distance, c'est-à-dire chacun chez soi. Et l'objectif étant de récolter des fonds, tous les droits d'auteur seront reversés intégralement aux hôpitaux de France. Pour les gens de secours, Florent Pagny, Pascal Obispo et Marc Lavoine. Quelle heure pour que battent les cœurs, pour les gens du secours, ceux qui lancent les ambulances, refusant de croire à la fatalité, stoppant le compte à rebours. Une chanson d'amour pour les gens du secours. Les gens du secours, une chanson d'amour. Pour les gens du secours, infirmiers de la terre, tous les maillons de la chaîne humanitaire, gardiens de la lumière, pour les gens du secours, quelques mots dans les airs, pour un nouveau printemps, un autre avenir, quelques mots pour vous dire, une chanson d'amour. Pour les gens du secours, pour les gens du secours, une chanson d'amour. Un jour se prendre dans les bras, de main la main. Des larmes et des baisers sur les joues. Demain nous serons là à se souvenir de vous. Les gens du secours, à se souvenir de vous. Les gens du secours.

vivent mieux que toi. Qu'il ait toutes ses chances, tous ses droits. Qu'il ait une signature, des mains blanches, une voiture et des papiers d'identité à perpétuité. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 47, consacré à la chanson française de tous les temps. Merci à Xavier pour la réalisation technique et merci à vous les auditeurs de nous avoir accompagnés. Vous retrouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, ce sera dans 15 jours, mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et branchés à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Bon, en attendant, soyez heureux sur Radio Fagette Nancy, 94.2, c'est pour les Lorrains, et sur le net, radiofagettenancy.net, en ligne, ça, c'est pour les autres Européens. Nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry, pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.